Fontenay aux Roses, 2005. Si cette abominable créature avait habité à côté de chez nous, nous aurions appelé la chanson « La vieille d'à côté », mais elle habitait en face. 1, 2, 3, 4. La maison, clavier que met le turbo à ses chaussons. Le temps de mettre les petits dans le siège auto. Elle est déjà là, le nez au carreau. Nya nya nya nya nya, et comment je m'appelle? Nya nya nya nya nya, t'es mon petit soleil. Nya nya nya nya nya, ce petit est à moi. Nya nya nya nya nya, faut me faire le troisième. Ses pantoufles usées frottent l'asphalte, doucement jusqu'à la prochaine halte. Depuis un quart d'heure, elle est en promenade pour aérer sa vieille blouse. Elle a peut-être bien déjà fait 100 mètres en raclant ses coudes au salpêtre. L'écharpe autour du cou lui ferme la bouche. Ça lui évitera de cracher un truc louche. Vu comme ça, elle pourrait faire de la peine et attendrir celui qui connais pas Germaine. Celui qui est pas là quand la mémé Jicky devient mémé Hyde et part. Oh oui, car la vieille engeance est parano et nous gratifie parfois de vilains mots. Derrière le visage fripé pépère peut se cacher une sacrée. Des fois le diable me crispe les poings et j'imagine la vieille qui va trop loin. Plus loin que le coin de notre rue, l'éternité l'aurait croquée toute crue. Vous me prenez tous pour un sans-cœur, un méchant sadique sans pudeur. C'est juste que c'est vraiment une grâce, la vieille d'en face, la vieille d'en face. Nya nya nya nya nya nya nya. Thank you.